Mais c'est trop chic, c'est trop cool, s'exclamèrent ensemble Lydie et Lottie. Flotter dans l'espace au centre de la Terre, c'est encore mieux que d'avoir la tête en bas, rajouta Lydie. Et en plus, c'est deux fois moins loin, compléta Lottie. Allons-y, ça va être trop bien.